Chapitre 2. Nuit agitée, sombre réveil. La jeune mariée en était là, dans les réflexions qui peuplaient son insomnie, lorsqu'un bruit discret frappa son oreille. On grattait à la porte. « Qui est là ? » fit-elle. « Chut ! » dit une voix, « c'est moi !»« Qui donc ?»« Moi, Gaston !» La baronne reconnut, en effet, la voix du chevalier d'Arsac. Elle ouvrit la porte. Son époux apparut sur le seuil. « Vous allez mieux, mon ami ?»« Moi ? Mais je vais très bien !»« Ah, vous nous avez très effrayés !»« C'est vrai. Écoutez-moi, Marguerite, j'avais perdu la tête. J'ai reçu une visite inattendue, la visite d'un ennemi qui me poursuit de sa haine. C'est ce qui vous explique ma conduite. Mais à présent, tout est fini. Pardonnez-moi !» La jeune femme était toute heureuse. Elle retrouvait enfin dans son époux non plus l'être étrange, le démon qui avait tant étonné les convives, mais le fiancé délicat et prévenant qui l'avait charmé par la noblesse de son caractère et la distinction de ses manières. Soudain, la jeune femme suffoqua. Une forte odeur lui montait aux narines, l'odeur bien connue du chloroforme. Elle voulut parler, crier. Elle ne parvint qu'à pousser un faible gémissement et perdit connaissance. « Eh bien, mon aimé, m'entendez-vous » demanda-t-il. Elle ne répondit point. Alors, l'homme alla ouvrir la porte et fit un signe à l'extérieur. Trois hommes masqués entrèrent. Ils avaient sans doute reçu des ordres précis au préalable, car sans hésitation, ils enlevèrent la jeune femme et la transportèrent à travers les couloirs silencieux du château. Quand la comtesse reprit connaissance, elle vit avec surprise qu'elle était enfermée dans une sorte de cachot humide qu'éclairait un flambeau. Autour d'elle, trois murs et une grille de fer aux barreaux épais qu'elle essaya en vain d'ébranler. Elle poussa un suprême cri de désespoir et se laissa tomber sur le sol. Elle était prisonnière, elle était isolée du monde, elle était ensevelie, vivante, dans un caveau. Le chevalier d'Arsac se réveilla joyeusement à 7 heures du matin. Il examina les objets qui l'environnaient. « Où suis-je ? » se demanda-t-il, les yeux lourds encore de sommeil. « Eh, Mordius, je me souviens, je suis au château de Carteret. Je n'ai jamais si bien dormi. Occupons-nous maintenant de nos petites affaires. » Il fit ses ablutions, s'habilla et descendit. Le baron de Carteret l'attendait. « Ah ah, vous voilà, mon cher Gaston !» s'écria-t-il en lui serrant les mains avec affection. « Eh bien, comment vous trouvez-vous ce matin ? Êtes-vous remis de votre indisposition ?»« De mon indisposition, monsieur le baron, mais je n'ai jamais été malade. » « Voyons, mon cher gendre, avouez qu'hier, vous avez eu une petite... une petite émotion. » « Ah ça, monsieur, vous persistez donc à me considérer comme votre gendre ?»« Voilà sa folie qui le reprend, » pensa le baron effrayé, et il détourna la conversation. Comme les deux hommes pénétraient dans la salle à manger, un valet vint dire qu'un étranger priait monsieur le comte de Savignac de vouloir bien lui accorder une entrevue de quelques instants. « Quel est son nom ?» demanda d'Arsac. Le laquais tendit une carte de visite sur laquelle le chevalier lut « César Poirotot ».« César Poirotot, » pensa d'Arsac, « ce maudit Poirotot, ce créancier qui me poursuit comme un remords. » Et en maugréant, il accorda l'entrevue demandée. Il pénétra dans une salle de réception où l'attendait un petit homme replé aux yeux fureteurs. « Monsieur Poirotot, » s'écria le chevalier, « à quel heureux hasard dois-je l'honneur de votre visite ?»« Ah, monsieur le chevalier, ce n'est pas le hasard qui m'a amené ici, c'est la Providence. Avant-hier, j'ai appris avec plaisir que vous vous mariez. » « C'est une erreur, monsieur Poirotot. »« Une erreur, monsieur le chevalier, » fit le créancier avec une grimace déçue. « Mais voyez, j'ai ici trois journaux annonçant votre mariage. En apprenant cette heureuse nouvelle, je me suis dit « Ah, monsieur le chevalier est un de mes bons clients. Il n'est que juste que j'aille lui présenter mes respectueuses félicitations. » Ah, digne et fidèle monsieur Poirotteau, dites plutôt que ce n'est pas seulement des félicitations que vous venez me présenter, mais surtout un petit compte arriéré. Vous vous êtes dit, il y a quelque temps déjà, que, depuis ce certain voyage que nous fîmes en Afrique, monsieur le chevalier Darsac n'a plus donné signe de vie. Aujourd'hui il est marié, il a épousé une dot rondelette, il se fera un devoir de me payer les 146 000 francs. 146 301 francs 37 centimes, rectifia respectueusement monsieur Poirotteau. 146 000, s'écria Darsac étonné. Hélas, monsieur le chevalier, votre voyage en Amérique m'a coûté un peu plus de 114 000 francs. Ah, c'est vrai, j'oubliais, approuva le chevalier conciliant. Au fait, vous avez le compte sur vous. Le voici, s'empressa M. Poirotteau en tendant un carnet à son interlocuteur. C'est un peu long à lire, remarqua Darsac. Croyez bien, monsieur le chevalier, que le compte est rigoureusement exact. Je ne voudrais pas vous tromper d'un sou. Je sais, monsieur Poirotteau. Cela n'a d'ailleurs aucune importance, puisque je ne dispose pas actuellement de la somme nécessaire au paiement. Monsieur Poirotteau roula des yeux désespérés. En réalité, continua Darsac, je n'ai jamais songé à faire un mariage d'intérêt. Monsieur le chevalier veut-il me permettre de lui faire remarquer qu'il résulte de renseignements précis qui me viennent de sources autorisées que madame la comtesse, son épouse, lui apporte une dot d'1 500 000 francs? La petite somme qui m'est due est de bien peu d'importance à côté de ces chiffres. Sans doute, monsieur Poirotteau, mais je vous répète qu'il y a méprise. Je ne suis pas marié, comme l'annoncent les journaux. Oh, monsieur le chevalier, j'espère bien que vous ne m'avez pas laissé faire ce voyage en vain. Songez donc que j'ai quitté Paris hier. J'ai passé la nuit à Cherbourg, et ce matin, à la première heure, je suis parti dans le seul but de vous voir, de vous présenter mes hommages. Monsieur Poirotteau, trancha le chevalier impatienté, vous savez depuis longtemps que je ne permets à personne de mettre ma parole en doute, ni de juger mes actes. En conséquence, je vous permets de vous retirer. Et le chevalier, tournant les talons, laissa monsieur Poirotteau tout interloqué. Pas marié, murmura-t-il désespéré. Quelle catastrophe! Et moi qui ai fait le voyage à mes frais? Mais je vais les porter au compte de monsieur le chevalier. Il ouvrit son carnet et écrivit quelques chiffres. C'est égal, murmura-t-il en se retirant. Je ne serai pas venu ici pour rien. Je vais voir le pays, me renseigner si monsieur le chevalier n'est pas marié. Hum, il n'est pas trop tard. On pourrait peut-être y remédier. Je vais réfléchir à tout cela. Et le créancier quitta le château en songeant profondément. Pendant ce temps, Darsac était rentré dans la salle à manger où l'attendaient le baron et la baronne de Carteret. Ceux-ci étaient dans la consternation. Ils venaient d'apprendre que leur fille unique avait disparu. Où est-elle ? Gémissait la baronne. Se serait-elle enfuie ? L'a-t-on enlevée ? « Ah, Gaston, savez-vous où elle est ?»« Mais, madame la baronne, répliqua celui-ci, je vous répète que je ne suis pas l'époux de votre fille. Vous avez été victime d'un imposteur qui se sera paré de mes titres et aura imité ma physionomie. Ce n'est pas la première fois que pareille fête se produit. On n'est pas le dernier descendant du grand Baïa sans susciter l'envie autour de soi. Quelqu'un a pris ma place. » Le baron contemplait maintenant le chevalier et pensait « Dit-il vrai, cet homme ressemble à mon gendre d'une façon étonnante. Mais comment expliquer son attitude? Il n'a pas l'air d'un fou. C'est là un mystère impénétrable. » Monsieur Poirotteau s'arrêta pour laisser passer les personnages qui accouraient dans sa direction. Quelle ne fut pas sa surprise en reconnaissant, ou tout au moins en croyant reconnaître, parmi ses coureurs nocturnes, son estimable débiteur, le chevalier Darsac. « Monsieur le chevalier, s'écria-t-il avec surprise, vous ici ?» Et il salua avec respect le prétendu chevalier. Celui-ci s'arrêta et dévisagea le créancier. « Pour qui me prenez-vous » demanda-t-il d'un ton cassant. « Pour qui je vous prends ?» fit Poirotto surpris. « Mais dame, pour le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac. Ne me reconnaissez-vous donc pas, monsieur le chevalier ?»« Non, qui êtes-vous ? » ?»« Mais, monsieur le chevalier, je suis votre fidèle César Poirotto, votre... » Le prétendu d'Arsac sembla fort embarrassé d'être reconnu, ou tout au moins simplement connu. Il observait avec méfiance M. Poirotto et lui dit « Et que faites-vous ici ?»« Je me promenais. »« Vous vous promeniez à cette heure ?»« Dites plutôt que vous espionniez. » Le prétendu d'Arsac se tourna vers ses compagnons et eut avec eux un entretien à voix basse. « Vous allez nous suivre, » dit-il d'une voix rude à M. Poirotto. « Nous allons vous bander les yeux. » Si vous poussez un cri, nous vous tuons. Mais, monsieur le chevalier, voulut protester le créancier. Silence ! Ordonna son interlocuteur. Monsieur Poirotto se laissa bander les yeux et conduire en pensant « Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Monsieur le chevalier d'Arsac serait-il devenu fou depuis son mariage ? Ou voudrait-il, ne pouvant supprimer ses créances, anéantir son créancier ? Non ! « Je ne le crois pas capable d'une telle monstruosité. C'est qu'il est fou furieux. » Et, les yeux toujours bandés, M. Poirotto avançait dans les ténèbres. On lui fit gravir des marches, descendre des escaliers. Enfin, on lui enleva son bandeau. Le pauvre créancier s'aperçut qu'il était dans un cachot humide, éclairé par une torche résineuse. Quatre hommes l'entouraient, parmi lesquels le chevalier d'Arsac. « Ah, monsieur le chevalier, gémit-il, que comptez-vous faire de moi ?»« Vous le saurez plus tard, maroufle. En attendant, sachez que si vous criez ou tentez de vous évader d'ici, vous vous exposez à la mort. »« Mais, monsieur le chevalier, j'espère bien que vous ne comptez pas me séquestrer. »« C'est précisément ce que je compte faire en attendant mieux. » Vous méditerez ici sur les inconvénients qu'il y a à se promener seul dans les bois à une heure tardive. Grâce, grâce ! Implora M. Poirotto en se jetant à genoux. Mais le chevalier avait fait un signe autoritaire à ses compagnons et il se retirait avec eux. M. Poirotto l'entendit déclarer en partant : Cet homme pourrait être dangereux, il est prudent de le garder. Il voulut protester, mais une lourde porte se referma devant lui. Le créancier poussa une lamentation inouïe, un dernier appel, une suprême supplication, et il tomba anéanti sur le sol humide. Quand il retrouva ses sens, il contempla son cachot d'un œil morne et désespéré. « Où suis-je ? Se dit-il. Où suis-je ? En prison. Le chevalier veut me faire mourir de faim. » Ah, j'aurais dû lui proposer de réduire mes créances de quelques centaines de francs. Peut-être se serait-il laissé fléchir. Il m'aurait rendu la liberté. Mais il est devenu fou. Quelle clémence peut-on attendre d'un fou ? Il n'y a de salut pour moi que dans la fuite. Mais comment sortir d'ici ? Monsieur Poirotto fit le tour de sa cellule avec la certitude prématurée que toute fuite était impossible. Il se heurta aux murs humides, secoua la lourde porte pour s'assurer que vraiment celle-ci résistait à tous ses efforts. Quelle ne fut pas sa surprise en voyant la porte céder et s'ouvrir sous la poussée de ses doigts. Il recula, effrayé de cette découverte. « Si on a laissé la porte ouverte, se dit-il, c'est à dessein. » Il examina les jointures. Il s'aperçut alors que l'huile avait bien été fermée à clé, mais qu'en réalité il fermait mal à cause du mauvais jeu des gonds. C'était donc au hasard que M. Poirotto devait le libre accès de cette issue. Il résolut d'en profiter. Il s'empara du flambeau qui brûlait dans le cachot et il sortit prudemment. Un couloir humide et ténébreux lui apparut. Il le suivit et s'engagea dans des galeries souterraines. « Je suis sorti du cachot, » pensa M. Poirotto. « Reste à trouver l'issue de ce dédale. Reverrai-je jamais la lumière du jour ?» Soudain, il frémit. Il venait d'entendre un gémissement. « Horreur ! » balbutia-t-il en tremblant. « Je suis dans une caverne de voleurs, dans un enfer où l'on torture des victimes. Oh, ce cri !» M. Poirotot s'arrêta. Il était résolu à ne pas aller plus loin. Au lieu de se diriger du côté où partait la voix, il trouva prudent de s'en éloigner. Mais la terreur le cloua sur place. Dans l'obscurité, il avait cru distinguer une forme humaine. « Grâce ! » gémit-il en se jetant à genoux. « Qui êtes-vous ? » dit quelqu'un dans les ténèbres. « Qui je suis ? » balbutia-t-il. « Je suis Monsieur Poirotot. »« Monsieur Poirotot ?»« Grâce, grâce !» reprit le créancier, qui se croyait surpris par d'implacables ennemis. Mais la voix inconnue le rassura en lui demandant « Seriez-vous aussi prisonnier ?»« Oui, oui, je suis un pauvre prisonnier !» Et M. Poirotot s'avança du côté d'où partait la voix. À la lueur de sa torche, il aperçut, derrière les barreaux d'une grille de fer, la forme blanche et svelte d'une femme. « Qui êtes-vous, madame ? » demanda-t-il, surpris. « Je suis madame la comtesse de Savignac. » « L'épouse du chevalier d'Arsac ? » ?»« Oui, monsieur. » « Ah ça ! Le chevalier emprisonne donc tout le monde ? » Désormais, il n'y a plus de doute, il est vraiment fou. Comment êtes-vous donc ici, madame ? Mon époux m'a enlevé, il m'a fait porter ici et m'a enfermé. Et vous, monsieur ? Monsieur Poirotot fit le récit de son aventure. Pourriez-vous m'aider à sortir d'ici ? Demanda la prisonnière. Je vais essayer, madame. Monsieur Poirotot voulut ébranler la grille de fer, mais elle résista à tous ses efforts. Cependant, il lui sembla qu'avec l'aide d'un levier, il lui serait possible de la soulever et de la faire sortir de ses gonds rouillés. Il chercha dans le couloir et finit par découvrir des barres de fer. Il prit la plus grosse et revint sur ses pas. Il pria la comtesse de tenir la torche pendant qu'il se livrerait à son travail. Comme il l'espérait, il parvint à soulever la grille de fer et à la faire sortir de ses gonds. Un instant après, la jeune femme était près de lui. « Maintenant, dit M. Poirotot, il s'agit de découvrir une issue pour sortir de ce maudit souterrain. « Je crois que nous devrons nous diriger du côté d'où vous veniez, remarqua la jeune femme. « C'est de là que vient l'homme masqué qui m'apporte ma nourriture. » La comtesse de Savignac et M. Poirotot se mirent en marche. Enfin, ils arrivèrent devant un escalier qu'ils gravirent. Ils se trouvèrent devant une porte qui n'était fermée qu'au loquet. M. Poirotot l'ouvrit et ils pénétrèrent dans un long corridor. Ils se trouvèrent dans une habitation. M. Poirotot vit la porte de la rue, mais celle-ci était fermée à clé. Il entra avec prudence dans une chambre du rez-de-chaussée. Elle était déserte. Il ouvrit sans peine une fenêtre. « Nous pouvons fuir par ici, madame, dit-il. Ne perdons pas de temps. » Un instant après, la comtesse de Savignac et M. Poirotot étaient au dehors. Ils se trouvaient en face de la ferme que le créancier avait remarquée quelque temps avant qu'il ne fût arrêté par le prétendu chevalier d'Arsac. « Fuyons, madame, fuyons !» disait M. Poirotot d'une voix tremblante en entraînant la jeune femme dans la campagne. « Si on s'aperçoit de notre fuite, nous sommes perdus. » Moins d'une heure après, tous deux arrivèrent au château. La comtesse introduisit Poirotot dans la chambre où ses parents se tenaient d'habitude le soir. Mais, comme les deux fugitifs en franchissaient la porte, ils reculèrent tous deux avec effroi. La première personne qu'ils venaient d'apercevoir, c'était le chevalier d'Arsac. « Vous ici ? » s'écria la comtesse. « Vous ici ? » répéta M. Poirotot, tremblant de tous ses membres et craignant de se voir de nouveau enlevé et emprisonné dans une cellule humide. La surprise du chevalier ne fut pas moins grande. Il se leva pour saluer la comtesse. « Enfin, madame, vous êtes sauvée, dit-il en s'inclinant. « Vous m'en voyez, on ne peut plus enchanter. » La comtesse ne répondit pas, mais elle darda vers lui un regard de mépris que le chevalier ne remarqua point, pour la simple raison qu'il s'était tourné vers le tremblant créancier en s'écriant avec une réelle surprise « Et c'est vous, Poirotot, que je revois ici encore. Ne vous avais-je pas défendu l'entrée du château ?» Monsieur Poirotot ne savait que répondre. Dame, il s'attendait à ce que le chevalier ne fût pas ravi de le revoir après l'avoir emprisonné, mais... La comtesse de Savignac répondit pour lui. « Monsieur est mon sauveur, dit-elle avec hauteur au chevalier. C'est lui qui m'a aidé à sortir du cachot où vous m'aviez enfermé. Moi, madame, et vous aussi, vous êtes victime de cette erreur. » La jeune femme ne répondit pas. Elle s'était jetée dans les bras de ses parents qui, avertis par les domestiques du retour inespéré de leur fille, venaient de pénétrer dans la chambre. Au milieu de l'émotion générale, elle expliqua comment elle avait été chloroformée la nuit et enlevée par des bandits masqués. Quand elle avait recouvré ses sens, son époux, en qui elle persistait à voir le vrai chevalier d'Arsac, lui avait fait signer la lettre que l'on sait sous la menace du revolver. Elle attendait la mort lorsque M. Poirotot était arrivé. Ce ne fut pas sans peine que le baron et la baronne de Carteret parvinrent à la convaincre qu'elle était victime d'un aventurier inconnu qui avait pris les titres et les traits du chevalier d'Arsac pour épouser une dot. Il apparaissait de toute évidence que l'arrivée inopinée du véritable d'Arsac avait déjoué les projets de l'imposteur. Celui-ci, voyant s'effondrer l'édifice qu'il avait bâti, avait tenté un coup d'audace. Le montant de la dot n'ayant pas été versé entre ses mains, il avait enlevé l'épouse et lui avait fait écrire la lettre remise le matin même au baron de Carteret. Ceci nous prouve, dit le chevalier d'Arsac, que nous avons à combattre un ennemi audacieux et habile qui ne reculera devant aucune infamie pour réaliser ses projets. Plus que jamais, nous devons redoubler de prudence. Madame la baronne Marguerite de Carteret porte mon nom. Ceci me donne le droit de la protéger. Je lui demanderai donc de me permettre d'être son chevalier servant jusqu'au moment où l'aventurier, qui a eu l'audace de se substituer à moi, aura été écrasé sous mon talon. » L'épouse accorda de bonne grâce à son prétendu époux l'autorisation qu'il lui demandait. « Maintenant, dit d'Arsac, il faut sans tarder aller dénicher les bandits dans leur tanière avant qu'ils ne se soient aperçus de la fuite de leurs prisonniers. J'ignore où est située la ferme, mais M. Poirotot va me conduire jusque-là. » « Jamais, monsieur le chevalier, jamais je n'oserai !» s'écria le créancier qui, dans son fort intérieur, craignait de retrouver en M. d'Arsac le tyran qu'il avait emprisonné quelques heures auparavant. « Je mettrai mes domestiques à votre disposition, » dit le baron de Carteret. « C'est inutile, » rétorqua le chevalier, « mais je ne m'y oppose pas. La présence de vos gens, monsieur le baron, rassurera monsieur Poirotot. En route, donc. » D'Arsac, son fidèle créancier et saint domestique du baron, partirent quelques moments après. Ils pénétrèrent prudemment dans la ferme mystérieuse par la fenêtre que les fugitifs avaient laissée entr'ouverte. Mais l'habitation était déserte. À la lueur d'une torche, ils pénétrèrent dans les souterrains. Ils virent les cellules où M. Poirotot et la baronne avaient été emprisonnés et d'autres où gisaient des squelettes très anciens. Ce sont les fondations et les souterrains d'un ancien château fort, très vraisemblablement, remarqua le chevalier. Le château sera tombé en ruine et sur ses derniers vestiges, on a construit cette ferme. Voici l'intérieur d'une oubliette. Mais cette constatation ne nous avance guère. Les oiseaux se sont envolés. Il ne nous reste plus qu'à nous retirer et avertir la police, qui pourrait établir ici une souricière où les bandits viendront se faire prendre, à moins qu'il n'ait eu vent de notre descente sur les lieux. » Et la petite troupe retourna au château. Pendant l'absence du chevalier, le baron de Carteret avait averti la police par son intendant. Des mesures allaient être prises sans tarder pour surveiller la ferme mystérieuse et protéger les hôtes du château.